anges sur la terre, chapitre 12. La catégorie des millionnaires. À cette époque, nous trouverons Don Roque de la Piedra, monté en catégorie, suivant la nomenclature de nos modernes synonymes, de bon et excellent sujet, il était devenu très bon et très excellent sujet, c'est-à-dire qu'il était devenu millionnaire et au-delà. Tu ignores très probablement ce que c'est qu'un millionnaire, ô lecteur des Batuecas, mon honorable ami, car les millions n'abondent guère dans les régions élevées où tu respires un air pur et salutaire. Nous allons donc, pour ton instruction, te tracer un portrait de l'espèce. Distinguons cependant, nous ne prétendons pas faire la critique de l'homme devenu millionnaire par ses talents et par un honorable travail. Loin de nous une semblable pensée. Condamner un homme par ce seul fait qu'il est millionnaire et le confondre dans le type que nous allons esquisser, ce serait manquer aux lois de la vérité et de la justice, ce serait exposer notre plume à une accusation d'envie, et, Dieu merci, nous n'avons jamais envié le sort de personne, si ce n'est le tien, ô cher et sympathique lecteur des Batuecas. Tu as déjà pu remarquer, puisque, selon ce qu'on nous assure, l'impartialité qui a disparu d'ici-bas s'est réfugiée dans les montagnes, tu as pu remarquer que la malveillance n'entre pas dans notre caractère et que nous traitons sans fiel même les sujets qui nous sont les plus antipathiques. Ce condiment est cependant fort à la mode pour la confection des ouvrages d'esprit, comme le détestable safran est à l'ordre du jour de nos cuisinières pour l'assaisonnement de leurs ragoûts. Mais il arrive à ceux qui écrivent, comme à celles qui cuisinent, que, sans obtenir de leurs assaisonnements un meilleur ouvrage ou un meilleur ragoût, ils donnent à leurs produits un détestable goût. Il n'est qu'une chose avec laquelle nous ne transigerons jamais, et c'est en tout ce qui touche aux matières de religion. L'éternelle vérité n'a-t-elle pas dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi » Règle concise et admirable, comme toutes celles qui sont sorties de ses divines lèvres. Nous entendons d'ici le mot de fanatique sortir de certaines bouches et nous en honorons. Fanatique, oui, mais dans la bonne acception du mot. Fanatique du devoir, fanatique de la vérité, fanatique de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bien. Le millionnaire dont nous voulons esquisser le portrait est cet homme, sorti des plus basses classes, sans éducation, sans principe, sans foi ni loi. Cet homme qui, sans s'inquiéter des moyens, trouve tout chemin bon, fallut-il marcher dans la fange, dans l'ignominie et même dans le crime pour arriver au sommet de la fortune. Le millionnaire de cette espèce est d'ordinaire fort laid, et, d'ordinaire aussi, il se soucie fort peu de l'être. Il ne connaît qu'un culte, l'adoration du veau d'or. Quant au culte de la beauté, il ignore même le nom de Narcisse. Le millionnaire, à part ses autres infirmités, est sujet à des accès de fièvre intermittente contre lesquels le quinquennat est impuissant. Quand il lui prend un de ses accès, il porte la tête haute, il s'enfle, il se gonfle et fait sonner bruyamment ses écus dans sa poche. Volontiers il payerait des enfants pour lui écrire dans le dos. Cet homme a un million de douros. Puis vient la réaction. Alors il se cache avec autant de soin qu'il mettait d'ostentation à se faire voir. Il tremble pour ses écus, il crie misère, il se couvre de haillons et prédit à sa famille qu'elle mourra sur la paille. Un jour, il donnera un festin de Lucullus. Le lendemain, il ira lui-même au marché et supprimera, comme un luxe inutile, tout ce qui n'est pas la soupe et le bouilli. Tantôt le millionnaire s'offense de ce qu'on le dise riche, tantôt il s'indigne de ce qu'on le croit pauvre. Il voudrait jouir d'un crédit illimité et passer pour ne pas posséder un maravédi, comme cette bonne femme qui voulait gagner à la loterie sans y mettre. Cet homme ne connaît au monde que deux choses, toujours prendre et ne jamais donner. Pour lui, la dignité de l'homme n'existe pas. Il n'existe que la dignité de l'argent. Nous terminerons ce portrait par un dernier coup de pinceau. C'est pour le millionnaire de cette espèce que La Rochefoucauld a formulé cette inconcevable et atroce maxime. Il y a en nous quelque chose qui se réjouit du malheur d'autrui. Et en effet, le millionnaire se réjouit de la ruine des autres. Maintenant que nous avons placé Don Roque à son nouveau degré d'élévation, continuons notre récit. Tous les nuages d'automne étaient amoncelés sur l'ignoble figure de Don Jeremias Tembleque. Assis devant une petite table boiteuse couverte de papier, il puisait fiévreusement de l'encre dans un mauvais encrier de plomb où il ne restait plus que de la bourbe. Il additionnait, soustrayait, multipliait, et chaque chiffre ajoutait une ride de plus à son front. On frappa à la porte de la maison. « Bonifacio ! Bonifacio !» cria le maître du logis à son nègre. « N'ouvre pas avant de savoir qui frappe !»« C'est Don Roque, maître !» répondit le nègre. Effectivement, le millionnaire montait cet escalier, dont les murs suintaient l'eau, et cherchait à combattre, par la fumée de son puro, cigare de la Havane, les miasmes de l'air qui ne l'étaient guère, puros. Note du traducteur. Jeu de mots entre puro, cigare de la Havane, et puro, pur. Fin de la note. « Je suis un homme perdu, compère !» s'écria Jeremias en voyant entrer le nabab. « Si vous ne me tirez de cet embarras, je ne sais plus à quel saint me vouer. »« Vous, dans l'embarras ?» répliqua Don Roque. « Vous me la donnez belle. Par tous les chats du quartier, vous, qui n'avez pas touché depuis plus de 10 ans les arrérages échus de vos actions de la Banque de France. Au reste, si vous étiez réellement gêné, il ne me serait pas possible de venir à votre aide, pas plus qu'à tout autre. Par le temps qui court, chacun doit se gratter avec ses propres ongles. Mais voyons, qu'y a-t-il, compère, l'embarras ? » Jeremias se leva et fut fermer la porte, après s'être assuré que le nègre ne pourrait pas les entendre. Puis il fit asseoir Don Roque sur le sofa en paille de maïs, s'assit à son côté, et laissant à la paille le temps nécessaire pour apaiser son murmure, il se pencha à l'oreille de son compère et lui dit, d'une voix à peine intelligible, « J'ai reçu les 60 000 duros qu'on me devait là-bas et qui m'ont enlevé 60 000 nuits de sommeil. La belle affaire, compère, et c'est là ce qui cause votre embarras ? D'abord, le change m'a coûté les yeux de la tête, mais ce n'est pas le pis. Je ne sais que faire de cet argent. Mettez-le à la banque. Oh, diable, mettre tous mes œufs dans un panier ? Non, pas. Non, je n'ai pas comme vous la manie des banques. J'y ai été chaudé. J'ai l'expérience de la banque de New York. Maudit Yankees. » En prononçant cette imprécation, Jeremias fit un mouvement si brusque que les feuilles de maïs murmurèrent, en chœur, une éloquente plainte. Cela n'a pas été si mal pour vous à la Banque de France, dit Don Roque. Les actions ont monté, le crédit s'accroît chaque jour. Ce qui n'arrive pas en 10 années peut arriver en 1 jour, assez de banques comme cela. Mais vous, compère, vous, l'enfant chéri de la fortune, vous qui roulez sur l'or et sur l'argent, je n'ai confiance qu'en vous. Prenez-moi ces 60 000 duros. Moi? Et pourquoi faire? Je suis embarrassé moi-même de mon argent. Compère, je vous le donnerai sans hypothèque. Non, je ne prends pas d'argent. Compère, à 8 misérables %. Non. Compère, à 6. Cela ne se peut pas. Compère, à 5,5. Non. Compère, à 5. Pas même sans intérêt. À 5, compère, c'est un véritable gros lot. Parlais-je grec, mon ami? Ne vous ai-je pas dit non, non, non? Comment voulez-vous que je vous le répète? En chantant, en pleurant ou en priant? Sacrebleu! Compère, vous voulez ma ruine! Exclama dans son indignation Jérémias, qui, par une de ses manies ou un de ses pressentiments propres aux avares, ne croyait son argent en sûreté qu'entre les mains de son fortuné compère. Eh bien, j'avais l'intention de laisser, par testament, 16 onces à votre fille. Je ne lui laisserai pas un quarto, ajouta-t-il en se laissant tomber, d'un air de vengeance satisfaite, sur un des coussins du sofa. Un cœur souterrain, semblable à celui que chantent les malins esprits dans l'opéra de Robert le Diable, s'éleva des profondeurs du coussin. Jérémias, exaspéré, y donna un violent coup de poing. Les feuilles de maïs se turent à l'ordre de l'esprit du mal qui s'était emparé de leur maître. Don Roque éclata de rire avec toute l'impertinence et l'aigre son métallique de ses millions. « Et qu'a besoin ma fille de cette misérable aumône de 16 onces ? » dit-il d'un ton méprisant. « J'en ai dépensé 4 fois autant à Madrid, rien que pour faire un cadeau à la fille d'un ami. Si vous avez fait cela, c'est que vous en attendiez quelque chose, répliqua malignement Jérémias. Allons, compère, ne soyez pas si dur avec moi. Prenez mon argent, ou bien comptez que tout est rompu entre nous, et que vous pouvez chercher un autre correspondant à Séville pour s'occuper de vos affaires. Allons, allons, dit Don Roque, que cette menace effraya plus que celle de ne rien laisser à sa fille. Allons, ne vous mettez pas en colère. Vous devenez, Dieu me pardonne, plus grognon que votre sofa. Eh bien, prenez mes 60 000 duros, avec 60 000 diables par-dessus le marché. Nous verrons. Il ne s'agit pas de dire nous verrons. L'aveugle aussi dit nous verrons, et il ne voit jamais. Les lettres de change vont échoir, et je n'ai rien pour mettre l'argent. Je n'ai pas de coffre-fort, ajouta-t-il, toujours plus anxieux et en tremblant si fort que les feuilles de maïs poussèrent un bruyant éclat de rire. Je vis seul, seul avec cet animal de nègre qui pourrait me voler et m'assassiner ensuite. La maison n'est pas sûre, le quartier est suspect. Les voisins ne m'aiment pas, les murs ont des oreilles, les voleurs sont bien hardis. Oh non, non, avoir de l'argent dans ma maison, jamais, jamais. Bien, bien, dit alors Don Roque, nullement ému de l'état convulsif de son ami, mais qui avait réfléchi que prendre cet argent serait pour lui une excellente affaire. Allons, à l'échéance des lettres de change, et pour vous obliger, pour vous empêcher de mourir de peur, je me charge de l'argent. Mais à 4%, pas un maravedi de plus, c'est à donner ou à garder. Don Jérémias bondit sur son sofa, en poussant des cris de détresse que répétaient les feuilles de maïs, mais tout fut inutile. Après le oui, le non s'intronisa de nouveau sur les lèvres du millionnaire, avec un nouveau puro qu'il tira d'un étui de manille et alluma délicatement à l'aide d'un briquet en or richement ciselé. Pendant plus d'une heure qu'elle dura, la discussion ne fit pas faire un pas à la question, pas plus que dans une session de n'importe quelle chose. Don Roque ne démordit pas d'un maravedi de ses 4%, malgré les lamentations de Jérémias et les gémissements des feuilles de maïs. Enfin, l'antipathie des banques, l'horreur des hypothèques, la confiance dans l'étoile de son ami, et surtout son effroi à la seule idée d'avoir de l'argent dans sa maison, amenèrent Jérémias à en passer par les conditions léonines de son compère le Crésus. En prenant cet argent, Don Roque avait fait ses calculs, comme nous pourrons le voir plus tard. Le millionnaire avait continué d'aller chez la marquise, et celle-ci, en femme du monde, dissimulait la répugnance que lui inspirait cet être vulgaire et déplaisant et le recevait de son mieux. L'affaire de l'emprunt que voulait contracter la marquise avait été traitée entre eux, mais Don Roque y avait apporté toute la roideur de l'homme d'argent. Ni la grâce, ni l'amabilité de la marquise, ni même les garanties qu'offrait la fortune de sa fille, ne purent modifier les prétentions du financier, qui consentit à prêter 30 000 piastres au modique intérêt de 10%. Et encore, fallut-il lui donner hypothèque sur une propriété qui en valait le double. Tel fut l'immense service que Don Roque voulut bien rendre à la marquise en récompense des bontés qu'elle avait eues pour sa fille, et, pour comble de bonheur, il laissait à Séville cette fille, dont il ne se souciait guère, et qui eût été pour lui, à Cadix, un terrible embarras, car on le savait riche, et les galants n'auraient pas manqué de venir soupirer sous le balcon. Nous devons dire à ce propos que cette idée du mariage de sa fille était le sombre nuage qui venait obscurcir le brillant horizon de ce bon père. Non seulement Lagrimas avait hérité de sa mère les 100 000 piastres qu'elle avait reçus en dot, mais il lui revenait encore 100 000 autres piastres pour sa part dans l'association du gendre et du beau-père, et ce dernier avait soigneusement stipulé cette condition en faveur de sa petite fille. Bien que Don Roque fût devenu plusieurs fois millionnaire, 200 000 piastres sont une belle bouchée pour un homme qui regardait une piécette avec un profond respect, la considérant, ainsi qu'il avait coutume de le dire, comme la pierre d'assise sur laquelle s'élève le million. En mariant Lagrimas, il aurait bien fallu se dessaisir de ce cher trésor, nous ne parlons pas de sa fille, mais de son argent. Le mariage de celle-ci était donc un cauchemar qui, de temps à autre, venait troubler les songes dorés du Crésus.